إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن البدع والمحدثات في الدين أصل كل بلاء وفتنة وأن الشيطان يحرس كل الحرص على صد الناس عن الدين الصحيح فإن رأى منهم رغبة أو عدم رغبة في الدين شجعهم على ذلك وزين لهم المعاصي والشهوات وفتح لهم أبواب الشبهات وإن رأى منهم محبة للدين أدخل عليهم من باب البدع والزيادات ما يفسده عليهم فتنبهوا لذلك واعلموا أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فلا مكان للبدعة في دين الله قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا إن المبتدع معاند لله ومشاق له لأن الله حدد الطرق الموصلة إلى الخير وحصرها وهذا المبتدع يريد أن يزيد عليها أو ينقص منها فجعل نفسه شريكا لله في تشريعه وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا والله أمر باتباع ما شرعه وأبى المبتدع ذلك واتبع هواه بغير هدى من الله عباد الله وفد إلى هذه البلاد كثير ممن نشأ على البدع في بلادهم وهذه البدع ليست معروفة في بلاد أخرى وإذا جاءوا ليزاولونها هنا فربما يشتبه الأمر على كثير من المسلمين فوجب التنبيه على تلك البدع في أوقاتها حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه ومن هذه البدع ما يفعل في شهر رجب من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم مرتكبوها أن لشهر رجب خاصية على غيره وليس الأمر كذلك فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في شهر رجب أو في شهري رجب وشعبان وبلغنا رمضان ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث واحد، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، من ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه، فإن تعظيم هذا اليوم وتلك الليلة من رجب إنما حدث في الإسلام بعد 104، والحديث المروي في ذلك كذب باتفاق العلماء، ولا يجوز تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. وقال: أما الصيام فلم يصح في فضل رجب في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام، ويقول: ما رجب؟ إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية، فلما كان الإسلام ترك. وفي رواية: كره أن يكون صيامه سنة. أما العمرة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، فلا فضل للعمرة في رجب على العمرة في غيره من الشهور كما يظنه بعض الناس. ومن البدع المنكرة التي تفعل في هذا الشهر بدعة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في الليلة 27 منه، يحتفلون في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيخصون تلك الليلة بأذكار وأدعية وصلاة، وتخصيص تلك الليلة خطأ من وجوه. أولا، إن الإسراء لم يقم دليل على تعيين ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه، فالعلماء مختلفون في زمانه، فتخصيص ليلة من الليالي في رجب أو غيره للإسراء تخصيص لا دليل عليه. ثانيا، لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجز لنا أن نخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله، فإنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل في تلك الليلة ولا خصها بشيء من العبادات، ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان، فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوه. ثالثا، أنه يفعل في تلك الليلة وفي ذلك الاحتفال أمور منكرة. قال صاحب كتاب الإبداع في مضار الابتداع: وقد تفنن الناس بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروريا كثير، كالاجتماع في المساجد وإيقاظ الشموع والمصابيح فيها على المنارات وعلى المنارات مع الإسراف في ذلك، إلى أن قال: وما أحسن سير سلف الصالح، فإنهم كانوا شديد المداومة على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يخرجون عن الثابت قيد شعره، ويعتقدون الخروج عنه ضلالة، لا سيما عصر الصحابة ومن بعدهم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه. ومن العجيب أن بعضا من هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج، أو كثيرا منهم لا يهتمون بما شرع فيه من الصلوات الخمس، فبعضهم لا يصلي أبدا، وبعضهم لا يحضر صلاة الجماعة في المساجد، وإنما ينشط في البدع والكسل والسنن، ويترك السنن والواجبات ويحافظ على هذه البدع. عباد الله، إن البدع مع أنها حدث في الدين وتغيير للملة، فهي آثار وأغلال تضع فيها أوقات وتنفق فيها أموال وتتعب فيها أجسام، وتبعد من الجنة وتقرب من النار، وتوجب سخط الله ومقته. لكن أهل الغي والضلال لا يفقهون، وفي طغيانهم يعمهون، ولا يزيدهم علمهم ولا يزيدهم عملهم عن الله إلا بعدا، ولا اجتهادهم وتعبهم إلا مقتا وردا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que les innovations et les choses inventées dans la religion sont la base de tous les malheurs et les problèmes dans la religion. Et le shaitan fait beaucoup d'efforts pour obstruer le chemin de la religion authentique aux gens. Donc lorsque le shaitan voit que les gens n'aiment pas trop la religion ou bien ne pratiquent pas fort la religion, il leur embellit les péchés et les désirs et les tentations, et il leur ouvre les portes des ambiguïtés et des doutes. Tandis que s'il voit que ce sont des gens qui aiment la religion et qui ont un penchant pour l'obéissance à Allah, ils entrent chez eux par une autre porte, c'est-à-dire la porte des innovations et des choses qu'on ajoute et qu'on rajoute dans la religion, et ça vient corrompre la réalité de l'islam. Et donc il faut savoir que la charia d'Allah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à l'humanité et qu'il est reparti, que Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme, il a laissé sa religion complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. C'est-à-dire que la religion, elle est complète. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever dedans. Et il n'y a aucune place dans cette religion d'Allah pour les innovations. L'imam Malik, rahimahullah, un des grands ulama de la Ummah, un des imams parmi les imams des salaf al-salih, il disait: quiconque innove quelque chose dans la religion, il fait une innovation et il pense que c'est quelque chose de bon, alors c'est comme si en réalité il s'imaginait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait trahi le message d'Allah et qu'il ne l'avait pas transmis au complet ou qu'il ne l'avait pas transmis correctement. Et donc, il a besoin de quelqu'un qui vient après lui pour le compléter et pour le parfaire. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et donc, l'imam Malik a dit, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Parce que la personne qui est dans l'innovation, celui qu'on appelle en arabe al-mubtadi', celui qui fait des bid'ah, des innovations, c'est quelqu'un qui s'oppose à Allah et à son messager et qui se détourne de la voie qui amène vers le bien. Approchez-vous, ceux qui sont à l'entrée surtout, et ceux qui sont devant, si vous voyez de l'espace, approchez-vous un peu. Et donc, qu'est-ce qui arrive avec cet innovateur? Cet innovateur, il augmente, il rajoute dans la religion, ou bien il enlève dans la religion. Et donc, c'est comme s'il se plaçait lui-même comme un législateur avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme s'il était apte à légiférer dans la religion d'Allah, avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il se prétend ou il se place comme un législateur avec Allah, et ça c'est une forme d'égarement clair et un grand péché. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de légiférer et d'inventer dans la religion, mais il a ordonné de suivre et de pratiquer ce qui a été révélé, et non pas d'innover. Et donc celui qui innove, l'innovateur, le mubtadi', c'est quelqu'un qui suit sa passion, sans aucune guidance venant d'Allah. Parce que la bid'a, c'est pratiquer quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des textes, ni dans le Coran, et ni dans la sunna authentique pour le justifier. Et la bid'a, c'est un des dangers de la bid'a, comme les ulama l'expliquent souvent. C'est que contrairement au péché, lorsque quelqu'un fait un péché, s'il mange du porc ou il boit de l'alcool, ou il fait d'autres péchés parmi les péchés, il est conscient que ce qu'il fait, c'est haram. Et donc, quand il fait ce péché-là, il ressent peut-être dans son cœur du remords, de la gêne, ce qui le pousse à se repentir après un certain temps, après avoir commis le péché. Tandis que l'innovation, lorsque quelqu'un pratique une bid'a, c'est le contraire. Au lieu de sentir une gêne ou d'être mal à l'aise ou de vouloir se repentir et d'avoir des remords, au contraire, il pense que qu'est-ce qu'il fait est bon. Il s'imagine que qu'est-ce qu'il fait, ça le rapproche d'Allah, et donc il va pas chercher à se repentir de l'innovation. Et c'est pour ça que parmi les ulama, parmi les imams des salafs, certains ont mentionné que Iblis, il aime la bid'a plus que le péché. Parce que le péché, on peut s'en repentir, tandis que la bid'a, on ne peut pas s'en repentir. Puisque la personne qui pratique l'innovation, elle s'imagine que c'est quelque chose de bien et que c'est quelque chose que Allah aime. Donc sachez que on est dans un pays, les gens viennent de toutes sortes de différents pays. Et il y a des gens qui ont vécu dans des pays ou qui ont grandi dans des pays où beaucoup d'innovations sont pratiquées. Des gens sont sur toutes sortes de différentes sectes, différentes pratiques, différentes croyances qui n'ont aucune source authentique dans le Coran ou dans la Sunna. Ils font des choses, tu leur dis, montre-moi ça dans le Coran. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pratiques maintenant? Montre-moi la preuve dans le Coran. Il n'y a pas de preuve. Tu lui dis, montre-moi la preuve dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ramène les hadiths. Il n'y a pas de hadith. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'ils pratiquent, c'est des bid'a. Maintenant, ils viennent ici, un pays qui n'est pas musulman, chacun ramène de son pays différentes bid'a. Et chacun veut pratiquer des choses, et quand tu leur demandes où sont les preuves de ça, pas de preuves. Alors ça ramène de la confusion chez les musulmans après, et de la division aussi. Et donc ça, c'est un des dangers parmi les dangers des innovations. Et parmi les innovations en question, il y a qu'est-ce que certaines personnes ont innové dans le mois de Rajab. Et le mois de Rajab, c'est un des mois du calendrier islamique qui s'approche justement. Et donc, pendant ce mois-là, il y a des gens qui ont inventé des choses qui n'ont aucun lien avec la religion et aucune source dans l'islam. Et ils le font quand même. Et ils s'imaginent que ce sont des choses qui sont bien. Mais il faut savoir que le mois de Rajab, c'est un mois comme les autres. C'est un mois parmi les mois sacrés, mais il n'a aucun mérite particulier par rapport aux autres mois sacrés ou aux autres mois de l'année. Il n'y a pas d'adoration spécifique qui ont été légiférées pendant ce mois-là. Il a été mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh Allah, bénis les mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous atteindre Ramadan. » Mais aucun mérite particulier ou spécifique ont été mentionnés de façon authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce mois-là. Et tous les hadiths qui parlent de Rajab de façon particulière sont des hadiths qui sont mensongers, c'est-à-dire des faux hadiths. Ce n'est pas des hadiths authentiques. Parmi les ulama, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, un des grands ulama qui a clarifié beaucoup de questions justement reliées aux innovations, il dit que dans ce mois-là, des gens ont inventé des choses qui ne sont pas légiférées, ni par Allah, ni par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ils vénèrent ou ils ont un grand respect pour la première nuit, ou bien plutôt la nuit du jeudi, le premier jeudi du mois de Rajab. Et de même que la première nuit de Jumu'ah du mois de Rajab. Et pendant ce jour et pendant cette nuit, ils font des innovations et ces choses-là n'ont aucune référence, aucune source dans l'islam. Et ces choses-là sont arrivées 400 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire celui qui les a inventées, ces innovations-là, il les a pas rajoutées, excepté 400 ans après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça n'a rien à voir avec l'islam dans ce cas-là. De même que certaines personnes ont inventé même des prières, comme par exemple Salatul Raraib. Ça n'a aucune référence, aucune source dans l'islam. Ils la font dans la première nuit du Jumu'ah, du mois de Rajab. Et il n'y a rien d'authentique à ce sujet-là. Et tous les ulamas sont d'accord pour dire que ça c'est une bid'ah, une innovation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. De même que le jeûne dans le mois de Rajab, il n'y a rien d'authentique pour justifier ou spécifier que le mois de Rajab, il faut le jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mentionné rien de spécifique ou particulier pour le jeûne de Rajab, de même que les sahaba non plus. Et Omar ibn al-Khattab, justement, il disait aux gens qui insistaient pour jeûner dans le mois de Rajab, il leur disait, il n'y a rien de spécial avec Rajab, mangez. Hein? Et les gens de la Jahiliya, c'est eux qui respectaient le mois de Rajab en particulier, tandis qu'en réalité, dans l'islam, il n'y a rien de ça. De même que la Umrah, il n'y a pas de Umrah spécifique pour le mois de Rajab, ou un mérite spécial ou particulier à faire la Umrah durant le mois de Rajab. Et aussi que dans ce mois, il y a une autre bid'a qui a été innovée et que les gens pratiquent dans la 27e nuit du mois de Rajab. Ils célèbrent ce qu'ils prétendent être Al-Isra ou Al-Mi'raj, la nuit de l'ascension et du voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant sa vie, et c'était un de ses miracles. Mais il n'y a rien premièrement qui justifie cette célébration-là, c'est une innovation. Premièrement parce qu'on ne sait même pas dans quel mois ni dans quelle nuit cette ascension a eu lieu. Donc on ne peut pas la spécifier ou dire que c'est cette nuit-là ou ce mois-là en particulier. Deuxièmement, même si on savait c'est quelle nuit, eh bien, ça n'a pas été légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais célébré Al-Isra ou Al-Mi'raj, ni les sahaba, et ni les grands imams de l'islam après. C'est quelque chose qui a été innové, des siècles après. Et donc, ça ne fait pas partie de l'islam et on n'a pas le droit de célébrer cette chose-là. Et donc, ceux qui pratiquent ce genre d'innovation, c'est clair qu'ils sont dans l'erreur. Et donc, c'est important de revenir à la pratique et à la compréhension de l'islam authentique et de s'éloigner de toutes ces différentes formes d'innovation qui sont pratiquées au nom de l'islam et qui n'ont aucun rapport avec la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. C'est-à-dire, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Et il disait aussi: celui qui pratique une innovation ou qui pratique quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Donc même si tu te fatigues à faire ça, Allah ne va pas te récompenser pour ça. Au contraire, il va te punir parce que c'est une innovation, c'est une bid'a. Et il n'aime pas les bid'a. Et il disait dans chacun de ses discours: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également dans chaque introduction dans ses discours, il disait: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Yani, accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux choses inventées dans la religion, parce que les pires affaires sont les choses inventées dans la religion. Et chaque chose inventée dans la religion est une innovation. Et chaque innovation est un égarement. Et chaque égarement amène au feu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.